Je vise pas le tube, prêt à te le prouver. Mon lyrics commence par va te faire enculer. Une âme immaculée, rien pour reculer, force décuplée. Je viens pour assurer, je me dois d'assurer, de griller, d'effacer. Des rimes dépassées, pas bon. Des conneries qui toute la journée tournent en rond. Je veux qu'on entende de temps en temps un peu le ton de ma voix, le fond de ce que je crois, de ce que je dois, de ce que je vaux. Moi la putain de moi, parano à fond mon gars, je crois comme Saint Thomas que ce que je vois, et pour le moment j'ai rien vu, si ce n'est un afflux de mythos. Je vais leur botter le cul à la nitro, leur couper le rouge au couteau. De l'autre côté de l'Atlantique, un projet unique, saïdomique pour niquer les ricains. Je prends le fric, une place dans la course numéro 1. Pose les sacs sur une bande de vauriens. Au casino ça vaut chi, mais ça tient bien avec les frérots. Quand t'as chi, tu reconnais les tiens. Et quand ça fuit, regarde tous ces chiens qui arpentent le trottoir. Dis-moi dans la nuit qui porte les talons ce soir. Un ami trahi quand ça foire, on oublie c'est chacun pour sa poire. Ça, ça sent pas bon, fais confiance quand on zobe comme dirait tonton. Avec Roger, pas de probe, on a un projet. Mou Roger, joue les James Bond du doublé. 00 sexe, atterri en Amérique. Avec son mix, son fric et sa trique. Avec le Zeg, lyrics bien crade sur des instruments malades. Beat haché, sample craché qui arrache. Pas de mots mâchés, ça sort cash, pas de lâche dans mon équipe. Mieux soudé qu'aux Jeux Olympiques. On veut le bronze, l'argent, l'or et le fric. À l'intérieur de moi, y'a un peu de chacun d'entre nous. Mais une différence de moi, j'avoue, tente ma chance. Mets ma vie en jeu dans la chance aux chansons. Pascal Sevran, tombe ton pantalon, ton slip et montre-nous ton cul. Recrute mes fidèles dans la rue, ancien barbu, je suis devenu pape. D'un tas de crétins qui flanchent pour mon style. Pape en freestyle de 8 à 10, je compte les salles avec ma bible. J'ai rien inventé et affirme que l'homo sapiens savait rapper. On continuait à réanimer un feu qui a commencé il y a des milliards d'années. Tout le monde n'aura pas cette chance de voir ce feu dans la montagne qui éclaire les rêves de beaucoup. Dont on n'arrive pas à se rappeler, mais on s'en fout. On l'a vu, on l'avoue, ils misent tout dessus. Ne me prends pas pour le Jésus de la variette. Trop de Judas sur des cassettes qui veulent ma tête. En fait on se prend pas la tête, on fait notre style pour les vieux, la vendette. Tarlel et sa collection complète. L'artiste et le Zek, du format Posse Wasapi, Akame le Zek, Natural Born Junkie. Back to the past, c'est la puissance du rap. Des années derrière moi et toujours le même flow qui décape. Comme du desktop, c'est mon rap, moi hip-hop. M'a traversé mon chemin, m'a destiné mon destin. Je me suis sacrifié pour ces enfants de chiens et ces fils de pute. Pendant des journées entières, le micro j'appute. Pour des types qui se régalent dans leur caisse avec leur pute. Pour des sales bâtards dans la rue qui se butent sur un bon son. Ah y'a bon ça, c'est du bon son qui restera culte. Mais beaucoup diront c'est bon ça. Mais il manque quelque chose et ils auront raison. Les mouraisons cartonnées, carte les fesses, trop de ML à l'horizon qui salissent ma garnison. J'officialise encore un CD du groupe que les métisans disaient depuis longtemps effacé. J'ai tué trop de packs d'Heineken devant ce putain de cimetière. Porte sur l'édifice une pierre, gloire à mon croûton cul en sacrifice. Je te pèterai les dents aussi, je décrète l'ouverture de la chasse. Tu connais mon concept, ça sent le sapin et le marbre, la cartouche et la fusillade. Ça sent le cuir quand tu rentres dans ma caisse, l'odeur du pognon dans la pièce. Déjà mort, c'est ce que les gens disaient depuis mon premier rap. Déjà mort, cette capote trop serrée qui éclate. Déjà mort, le Fuchel mis son poids et sa rate. Déjà mort, ta virginité quand tu me dis arrête. C'est foutu comme associer avec des gars qui ne m'aiment pas. Comme faire des affaires avec des types qui parlent mal ou qui parlent trop. De toute façon, c'est la même, la faute, c'est la tienne. Et c'est ta mère qui porte le deuil. Avec mon zèbre, je te jure, j'éloigne le mauvais œil. Déjà morcé, une bombe amorcée. Si tu veux pas avoir mal au dos, un conseil, prépare ton corset. En fin de compte, nous mourrons tous. Nous ne pouvons malheureusement pas choisir notre mort, mais nous pouvons décider comment aller à sa rencontre. Afin que l'on se souvienne de vous comme des hommes.